looking for a thrill. We got a rock and roll, a Detroit soul, and plenty of blood to spill. But all I'm is cruising with my bandman in my tricked out Cadillac. Yeah. We're always looking death right in the eye and never ever looking back. See, the night is full of nitro, and we just might explode. Cause we're running like the devil up on Dynamite Road. Though the moon is making trouble, man. Full of goons, all fueled with hearts of perfidy, alcohol and skin of tunes. My car is breathing hot and heavy, man, with a vicious evil growl. It's enough to wake the devil, man. It's enough to make him howl. See, the night was full of nitro and we thought we would explode. When that limo hit 100 and it ran us off the road, I woke up choking at the smell of burning air and gasoline. Twisted chrome, melted glass and broken bodies at the scene. Bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Folk Show, la 118e émission sur Radio Biz. Bonsoir mon cher Tom. Salut, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Ce soir, jeudi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre. Attention, attention, dans moins d'un mois, c'est Noël. Et dans un peu plus d'un mois, c'est... C'est quoi ? 2018. Ah bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, non, non, dans pas un peu plus d'un mois, dans un mois. Puisque ce sera demain, le nouveau. Parce qu'on sera le premier demain. Oui. Moralité, oui. Dans un mois. Ouais, mon pépère. C'est 31 jours, décembre. Ah mon pépère ! Eh mon pépère ! Oui. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait mon cher Tom ? C'est toi qui vas présenter l'émission. On fait un quoi aujourd'hui ? Parce que moi je sais pas, j'ai rien bossé cette semaine. Ce soir déjà on va vous dire bonjour. Moi je vais vous dire bonjour, bonsoir. Salut Québec, vous avez 40 secondes de retard avec nous. Vous êtes en direct, tout se passe à peu près bien normalement ce soir. J'espère, comparé aux semaines précédentes, vous avez entendu Alice Cooper. Parce que Alice Cooper sera en concert, Phil. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Et en plus je crois qu'il a deux dates sûres. Et une date où il viendra peut-être en invité. Ouais, enfin c'est une date. C'est compliqué. Ouais, elle est compliquée. C'est un pré-show le 2 décembre, c'est-à-dire samedi. À la boule noire. Oui. Avec Carousel Vertigo. Que l'on entend en fond sonore. Voilà. Dimanche, on va faire la fête à la salle Playel à Paris le 3, donc le 3. Et le 7 décembre, c'est-à-dire jeudi prochain, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça, jeudi prochain, donc nous n'y serons pas parce qu'on sera là. Il sera à l'Olympia. À l'Olympia. Voilà. Et tout ça, c'est complet, hein, je pense. Non, non, il y a encore l'Olympia. Des pages, je crois, pour l'Olympia. Par contre, salle Playel, oui, c'est complet depuis très longtemps. Maintenant, l'Olympia, je ne sais pas exactement. Donc, alors, nous avons commencé. C'est le membre qui est formé en 1964. Ouais, enfin, en bref, ouais, il a commencé en 64, on va dire. Hein, parce que formé en 64, pas vraiment, il a commencé vraiment, voilà, c'était Alice Cooper tout seul, c'était un espèce de show un petit peu, comment dire, de, pas de magie, mais d'horreur, hein, d'horreur un petit peu, et puis de, voilà, c'était pas mal. Oui, donc présente-nous ce nouvel album Paranormal. De quoi te présenter cet album Paranormal? Ouais, présente-le-nous, quand est-ce qu'il est sorti? Il est sorti le 28 juillet 2017, donc pendant que vous étiez tous sur les plages cet été, donc en gros, vous avez personne, tout le monde est passé à côté, ou presque. Il est sorti... Comment le raccourci rapide. Vous étiez sur les plages, donc vous êtes passé à côté d'Alice Cooper. Mais non. C'est car le Rock for Show était là, quand c'est même. C'est une blague, rassurez-vous. Et c'est le titre qu'on a entendu, c'est Dynamite Road. Donc on vous a bien pourri la route. Et Paranormal, mais oui, c'est pas normal, bien sûr. Voilà, c'est un album de 10 titres, mais il y a 8 titres en live qui sont avec le Alice Cooper Band, l'original. Oui, et Alice Cooper alias Vincent Fournier, qui est un français, non, un américain, ouais. Il nous vient de Détroit. Voilà. Ouais, c'est un américain, mais bon, il a des origines un peu françaises. Voilà, c'est un hybride. Ce soir, on vous l'a pas dit, mais c'est une émission 100% zik nouveauté. On va beaucoup vous parler de tout ce qu'il y a en concert, mais ça va être émaillé de quelques petites nouveautés. Et puis, on va vous faire gagner quelques CD d'artistes que l'on a justement qu'on va vous passer. Toujours au 06 80 01 28 34, ça n'a pas changé. Exactement, non, mon cher non, Tom. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Hey, hey. Faut pas me lancer, hein. Moi, faut pas me lancer. Je suis un karaoké vivant. Je sais qu'il a neigé. Il a neigé en région parisienne. Ah, il a neigé en cet région après-midi. Parisienne. Ouais. Mais stop, c'est bon. Bon, d'accord, ok. Bon, alors, la boule noire, nous, on y sera. On va essayer de faire un petit tour à la boule noire le 2 pour aller voir Carousel Vertigo que vous entendez en fond sonore. Et maintenant, nous allons passer à des gros morceaux qui vont être aussi en concert puisqu'il s'agit de Five Finger Death Punch. Moi, je prends juste le punch. Ouais, alors demain sortira A Decade of Destruction qui est une compilation qui regroupe, je ne sais plus combien il y a de titres dessus, mais pas mal. Mais il y a surtout deux inédits sur cette compilation. Elle fait 16 titres, la compilation, et il y a deux titres inédits. On vous en a passé un la semaine dernière qui s'appelait Trouble, et il y en a un deuxième qu'on vous passera certainement bientôt. Hein. Ce soir, on a décidé de vous passer Wash It All Away, qui est leur dernier clip en date, tiré de A Decade of Destruction, mais qui était sorti sur l'album, je crois que c'était I Got Your Six, je crois, qui était sorti en 2015. Ouais, 2015. Voilà. Mais je suis pas sûr et certain. En tout cas, la compile va sortir chez 117 Music demain. Voilà. Pour tous les petits vénards qui ne connaissaient pas encore Five Finger Death Punch et qui voudraient refaire leur retard, eh bien sachez qu'ils seront en concert et ce sera lundi. C'est complet, hein, c'est complet. Donc il y a peut-être des places qui restent encore par-ci par-là, mais c'est du vente de main à la main, à la de particulier à particulier à la sauvage. Sachez que le groupe s'est formé en 2005 hein, et ils nous viennent de Los Angeles. Ils nous apportent un peu de soleil. Ils seront donc à l'Olympia avec In Flames, que vous entendrez un petit peu plus tard, après Five Finger Death Punch, et avec Of Mice and Men. Voilà. Vous n'entendrez pas ce soir. Non, on ne les passera pas ce soir. On a décidé de vous passer In Flames. C'est le prochain titre après Five Finger Death Punch, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Battles. Et on a choisi le titre éponyme. Battles. Bien. Sorti chez Nuclear Blast. Tout à fait. Le 11 2016. Ouais, le 11 novembre. Ah non, déjà. Hein, 11 novembre, c'était un jour férié. Tu te rends compte? Ils ont sorti un album un jour férié. Enfin, français, jour férié. L'album contient 12 titres. Il est très varié. Il était assez surprenant pour un album de In Flames. En même temps, In Flames, par rapport aux tout premiers albums de In Flames, n'a plus rien à voir avec cet ancien temps, on va dire. C'était l'âge préhistorique d'In Flames. C'est plus le même death, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est exactement. C'est plus le même death mélodique. C'est toujours mélodique, de plus en plus mélodique d'ailleurs, mais de moins en moins death. Le groupe s'est formé. Ils revivent en fait. Ouais, j'ai l'impression. Le groupe s'est formé en 1990. Ils ont sorti pléthore d'albums. Ils nous viennent de Suède, de Göteborg. Bah, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a entendu un tout petit peu Sabaton. Ah oui, sur Radio Biz. Oui, ils ont entendu un extrait. Nous, on a entendu beaucoup, mais voilà. Ensuite, nous continuerons aussi avec un groupe qui sera en concert. Un groupe que l'on aime particulièrement, Tom et moi. Puisqu'il s'agit de Nothing More, ce sont aussi des ricains, hein, mon cher Tom, mais ils nous viennent d'où, eux? Ils nous viennent de San Antonio. Voilà, un petit peu sur la côte ouest, je crois, des États-Unis. C'est ça, San Antonio. Je suis pas sûr. Si, il me semble. C'est West. On va vérifier parce que moi, on va vérifier. Ça fait deux, mais. Le morceau s'appelle Go to War et c'est aussi issu de leur dernier single, je crois, ou dernier clip. C'est tiré de leur tout dernier album qui s'appelle The Story We Tell Ourselves. On vous en a passé un titre la semaine dernière également et c'est tiré de leur album qui est sorti le 15 septembre dernier chez 117 Music. L'album contient 18 titres, rien que ça, pas un de moins. Et c'est un quatuor de metal alternatif qui s'est formé en 2003. On les a déjà vus hein, au Nouveau Casino, ils étaient Montmartre, un peu partout. Et là, ils seront aux Étoiles. Hein, c'est une toute petite salle qui se trouve à Paris. Ce sera le 5, donc mardi, aux Étoiles. Et ils ne seront pas tout seuls, puisqu'ils seront également avec In Search of Sun, qu'on vous a passé la semaine dernière. Et Psycho Village. Et Psycho Village, exactement. Donc San Antonio, c'est bien, enfin, c'est dans le sud-ouest. C'est sud-ouest. Côté de... Voilà, ton hiver impitoyable. Dans le Texas, donc, pas loin du Texas. Hein. Côté de Houston. Houston, exactement. Et on terminera cette plage musicale avec un groupe, on va dire, multination. Hein, en tout cas, un all-star band, puisqu'il s'agit de Cincinnum. Avec leur EP Ashes. Exactement. Alors, ils ont sorti plusieurs EP, plusieurs... petite chose avant de sortir un gros album, le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Monarch of Death. Exactement, c'est sorti le 10 novembre dernier. Eux ils font bien, eux, ils sortent pas les jours fériés. Non, la veille, c'était chez RR Music. Le EP contient 6 titres. C'est un sextet de death metal formé en 2016, donc tout récent. Mais ils ont sorti déjà plein de trucs. Hein. C'est du presque francilien. Ouais, ils nous viennent de Charleville-Mézières. C'est la formation vient de Charleville-Mézières, vous allez voir. Il y a des gens. Alors, c'est un projet de Fred Leclerc, qui était dans Maladaptive, qui a également fait Egoine. Dragon Force, bien évidemment, puisqu'il joue de la base dans Dragon Force et il est compositeur et là il s'est associé avec Joey Jordison, je crois qu'il y a Monsieur Buriez dedans, il y a Bubu, oui il y a Monsieur Stéphane Buriez également et Monsieur Joey Jordison était le batteur de Slipknot, un des membres fondateurs de Slipknot. Rien que ça et il y a aussi qui c'est qu'il y a d'autres encore, Fir Attila qui jouait dans Mayhem, qui apparaît sur cet album également, donc vraiment un truc bien ouais, touffu, bien comment on dit, c'est les petits joueurs quoi, en fait bien poilu. Hein, un truc qui bien dru sous les bras, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Alors on va vous laisser en musique avec Five Finger Death Punch, In Flames, Nothing More et Cincinnum et on se retrouve tout de suite après et pour puis, la suite numéro de l'émission. 06 80 01 28 34. Voilà, musique. We'll be right back. opposing sides. Let's go to war. Let's go to war! retour dans les studios du Rock for Show sur Radio Biz. Hey, salut tout le monde et salut Eric. Sur Metal Invasion aussi. Metal Invasion. Metal-invasion.fr. Tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, voilà. À partir de 20h. On vous salue. Ouais. On vous refait un deuxième coucou le lundi soir sur Radio Invasion. Et ouais, mais voilà, nous sommes multi-radio. On nous en a viré d'une, et ben on va sur toutes les autres. On a même été sur Ultra Rock il n'y a pas très longtemps, c'était le Ultra Rock for Show. Et je pense qu'on le refera aussi. Ouais, et mais il faudra qu'il le fasse en venant ici. Ouais, mais justement, c'est le Rock for Show Ultra. Voilà, on va faire ça. Bientôt, plein d'invités, parce qu'on va faire aussi une émission spéciale best-of pour la fin de l'année. Mais je pense que même Phil en fera plus, on fera plusieurs best-of avec des invités. Ouais, c'est ça, chacun amènera les albums qu'il a aimés. Ça changera un petit peu de... Bah, de nos deux émissions qu'on faisait à la fin de l'année. Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y en a marre d'avoir que nos choix. Et on va essayer d'ouvrir un petit peu. Des gens du milieu musical, pas forcément des artistes. Bah, même à la limite, vous pouvez même vous, en tant qu'auditeur, aller sur la page du Rock for Show et nous mettre, déjà dès maintenant, vous pouvez ouvrir une publication, je sais pas, ou alors on va l'ouvrir, on va faire comme vous. Parce que c'est pas le nombre d'artistes, d'albums qui vont sortir d'ici la fin d'année qui vont nous empêcher de faire un best-of. Voilà. C'est clair. Donc si vous voulez, s'il y a des albums qui vous ont plu cette année, eh bien vous nous dites, voilà, moi j'ai bien aimé Tata Yo-Yo par... Bah non, ça s'est pas sorti cette année. Dommage. Mais bon, vous pouvez choisir... Alors, bien entendu, le but, c'est d'avoir des albums de 2017. On ne prend pas les EP et on ne prend pas les albums live, ni les compilations, bien évidemment. En fait, on prend plus rien. Non, on prend que les albums studio sortis en 2017. Voilà. Donc vous nous dites, je sais pas moi, mon top 5, ouais, vous en mettez 5, hein, au moins 5. Parce que s'il y a du doublon avec quelqu'un d'autre, et ça va être compliqué. Non, mais on fera du doublon, c'est au contraire. Ah bah oui, parce que ça voudra dire que c'est un album qui a été très demandé. Ah mais c'est très bien, On les mettra dans les premières positions, les choses comme ça, quoi. Hein. Donc cette année, ce sera pas le référendum du Rock for Show, des animateurs du Rock for Show, mais le référendum un peu tout le monde, quoi. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Ouais, non, mais c'est bien, le partage aussi, c'est ce qu'on aime. Allez, on a commencé donc avec Five Finger Death Punch, on a enchaîné avec In Flames, on a continué avec Nothing More, bon. Et on a terminé avec Sin Sinum. Voilà, et ce que vous entendez en fond sonore, c'est Fur, le nouveau groupe de... Enfin, le nouveau groupe, ça fait un petit bout de temps que ça existe quand même. De Anneke, ex-chanteuse de The Gathering. Voilà, l'album s'appelle In This Moment We Are Free. En ce moment, nous sommes libres. Bah, libres comme l'air. Voilà. Sorti chez Century Media en octobre 2017, le 20 pour être précis. L'album contient 11 titres. C'est le premier album du groupe d'ailleurs. Écoutez, je croyais qu'il y avait d'autres choses qui étaient sorties avant. Bah non. En fait, non. C'est un quintet de metal prog. Moi, ça m'a pas. Mais bon, ils sont en concert. Hein, donc, ils viennent du pays du fromage. Ouais, le Pays-Bas. L'autre pays du fromage. Attention, l'autre. Ils seront en concert le 7 à Paris et ça sera au Trabendo. Donc, ils seront pas tout seuls. Ils seront aussi avec Scar Symmetry, excellentissime groupe, et avec My Profane. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Anneke van. Oui, ben c'est celle, c'est Anneke van Garnigunch à tes souhaits qui a composé Fur. Avant, elle était dans Stream of Passion, je crois, puis il y a eu plein de trucs. Enfin bon. Ouais. Yavolt ? Ouais, non, pas Yavolt là, parce que là c'est. C'est. Fur ! Yavolt, c'est. C'est allemand ! Oui, mais là il n'y a pas d'allemand. Bien sûr, c'est ça. Ah bon, d'accord, ok. D'accord, si, senior. Allez, on va partir avec le Cardian. On va partir avec le Cardian, encore une nouveauté. L'album s'appelle Mirrors. Et le titre que je vous propose de découvrir est un peu le titre éponyme, si on peut dire, puisqu'il s'appelle Mirrors and Me. And You. Et c'est sorti le 24 novembre, donc très récemment, il n'y a pas très longtemps. Chez Inverse Recording, c'est le 5e CD du groupe. Alors, je sais pas si c'est tous des albums, mais c'est le 5e CD du groupe et il contient 11 titres. Moi, j'ai adoré ce truc. C'est très mélodique. C'est un sextet de power mélodique, justement, qui s'est formé en 2000. Ils nous viennent de Finlande. Ce sont des Finnois et non pas des Finlandais. Je vais pas aller savoir pourquoi on dit pas Finlandais mais des Finnois. On sait pas. Si quelqu'un a la solution, bah, qu'il nous la donne au 06 81 01 28 34 en texto. C'est comme les Suisses, hein, c'est des Helvétiques, c'est pas des Suisses. Hein. Et bah justement, on va en parler tout à l'heure de ça. Je sais pas si c'est pour ça que tu nous dis ça, mais on en parlera tout à l'heure. Nous allons enchaîner avec Galactique Cobois. Co-garçon aussi, tu veux dire? Ou vache-garçon? C'est les Cowboys, c'est les Cowboys, les Galactic Cowboys, qui nous ont sorti un nouvel album qui s'appelle Long Way Back to the Moon. Bah, tant mieux pour eux. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Hold Me. Non, c'est pas ça, c'est pas Hold Me, c'est Hate Me. Tom, il est parti se coucher, donc voilà, il est même pas capable de me reprendre. C'est Hate Me, alors aidez. Haïssez-moi ou haïssez-le, c'est comme vous voulez. C'est sorti le 17 novembre dernier. Les deux en même temps. Hein, chez Music Theories. L'album contient 11 titres et il y a deux bonus sur la version limitée Digipack. C'est un quartet de metal alternatif. Ouais, un petit peu stoner, un petit peu tout hein, en fait, les Galactic Cowboys. Formé en 1988, séparation 2001, ils se sont reformés. Et ils nous viennent des États-Unis de... Tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs, justement. Allô, ne réponds plus. Houston, hein, ne réponds plus. Allô, Houston. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont sur la Moon, hein, parce qu'ils viennent de Houston. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe schleux, allemand. Ils nous viennent d'Allemagne. C'est un groupe qui s'appelle Almanac, avec un C et non pas CH, hein, puisqu'il existe un autre groupe, Almanac, mais avec CH. L'album s'appelle, mon cher Tom, Kingslayer. Oui, exactement. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, Pass. Children of the Sacred Pass. Exact. Sorti chez Nuclear Blast le 24 novembre, c'était il n'y a pas longtemps. C'est leur deuxième album. Il contient 10 titres. Oui. Et on le connaît aussi sous. Comment En fait, c'est le projet de Victor Smolski. D'accord. Qui était en fait. Donc, c'est aussi connu sous le nom de Victor Smolski's Almanac. Ah, donc, l'almanach de Victor Smolski, si tu préfères. C'est un groupe de. Ouais, c'est un septet, parce qu'ils sont sept, hein, de power symphonique. Alors, qui on retrouve dedans? On retrouve monsieur Victor Smolski, on retrouve également au chant. On retrouve... qui c'est que je vous ai dit qu'on retrouvait? On retrouve des gens. Oui, on retrouve une chanteuse hein, qui s'appelle Jeannette, qui était ex-Lingua Mortis Orchestra. On retrouve Smolski, donc ex-Rage à la guitare. On retrouve également Monsieur Andy Befrank de Brainstorm et Simforce. Et on retrouve Monsieur David Redman, qui est partout en fait. Hein. Il est partout ce mec-là. Il est dans Pink Grim 69, il est dans Missa Mercuria. Il était également dans Adagio. Enfin bref, voilà. C'est un all-star band. C'est très bien foutu. Maintenant, de là à dire que ça deviendra groupe de l'année ou album de l'année, il y a de la marge, hein, parce que c'est trop mélodique, pas assez métal pour moi. Par contre, c'est assez varié, puisqu'il y a plein de chanteurs. Ça ressemble un petit peu dans l'esprit, on va dire, vraiment l'esprit, à des groupes comme Avantasia, des groupes comme, Masterplan, des trucs comme ça, quoi. Donc, bon, c'est pas mal foutu, ça joue bien, et ça, c'est le principal. Eh bien voilà, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour ces trois groupes. On se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire gagner? Eh bien, on a des compilations justement Music Ohio, puisqu'on nous étions au festival Music Ohio Fest. Et on les salue, c'était cool. Ouais, c'était vraiment bien. Très bonne organisation. D'ailleurs, bientôt on entendra un enregistrement pirate. Ah bon, on écoute un extrait. Ah tiens, ça serait super. En tout cas, on vous a mis 8 petites vidéos des 8 groupes qui étaient présents que vous pouvez retrouver. Dans une qui a eu du temps à venir parce qu'il y avait un problème de droit d'auteur. De droit d'auteur sur l'intro en fait de Blazing War Machine. Voilà. C'est pour ça que vous l'avez eu le lendemain ou le surlendemain, tu l'as mis Le surlendemain, ouais, parce qu'il a fallu qu'on coupe en fait l'intro de la vidéo pour pouvoir vous passer le morceau et qu'il passe sur Facebook normalement. Voilà, allez, on vous laisse en musique, on se retrouve tout de suite après, affûtez bien vos téléphones, il y aura des choses à gagner. En tout cas, là, dès maintenant, vous pouvez gagner des compilations, non, pas des compilations, des compiles à la maison, de Music Hawaii, c'est la numéro 3, la compile. Allez, musique. Avec Cardiant. Testament en direct dans le Rock Folk Show. Ça fait mal. T'as vu comme ça fait mal, ça fait des trous dans la tête, Testament. Testament, pourquoi on voulait pas s'enfoncer en dehors? Tout simplement parce que le groupe sera en concert au Bataclan. Oui monsieur, oui madame, oui tout le monde au Bataclan. Et ils ne seront pas seuls puisqu'ils seront avec Death Angel et Annihilator. Avec des Canadiens et avec des... Death Angel sont américains je crois. Donc voilà, ça va être cool, ça va être cool, cool, cool. Et ce que vous entendez, c'est un titre tiré de leur dernier album, Brotherhood of the... Of the Snake, bien entendu, qui était sorti en octobre 2016 chez Nuclear Blast. Oui, du trash de la Bay Area. Groupe formé en 1983 à Oakland. Oui, monsieur, oui, madame. Et le concert aura lieu donc le 8 décembre. Ah, c'est des beaux cadeaux de Noël, tout ça, quand même. Hein. Un beau trio de trash metal. Testament, Annihilator, Death Angel. Ne les ratez pas, Bataclan, le 8 décembre. Avant ça, nous avons écouté que du bon. Je sais pas ce que tu as pensé de ce petit Guardian, mon cher Tom. C'était Guardian qui est Galactic Cowboy, c'était pas mal. Almanac, hein, j'ai un peu moins aimé, voilà. Ouais, un peu plus classique, Almanac. Ouais, hein. Ouais, et puis en fond sonore, Testament, bah, voilà. Ça envoie quoi. Ça envoie du bois. Et nous allons continuer avec des nouveautés, avec des groupes qui sont encore en concert cette semaine, bientôt. Et là, on va commencer avec Toke, qui est un groupe norvégien. Donc Toke, T-A-A-K-E. Voilà, et ça se dit Toke. Toke. Ils nous viennent de... C'est pour ça que je te reprends, parce que ceux qui vont dire Toke, T-K-E... Ouais, non, Toke, T-A-A-K-E. C'est Toke, toi. Mais on avait déjà parlé dans le Rock for Show, ce qu'on avait bien aimé. C'est un groupe norvégien qui nous vient de Bergen, qui s'est formé en 1995 et qui est un quintet de black metal. Alors ouais, on va durcir un peu le ton là. Hein. Alors là, je vais te laisser le dire en norvégien le titre du morceau, mon cher Tom. si, Zerdetsvai. Si tu veux, alors. Ouais. Et le titre de l'album. Zerdetsvai. Kong Winter, là c'est un peu plus simple. Kong Winter. Mais Zerdetsvai, je pense que c'est à peu près ça. Parce que norvégien, ouais. C'est du schnorr. Oui. Comme on dit, donc guttural un peu. Bon. L'album est sorti le 24 novembre dernier chez Season of Mist. Il contient 7 titres plus 1 sur la version vinyle cette fois-ci. Pas sur le CD, mais sur le bonus. C'est-à-dire vous achetez le vinyle, vous avez un titre en plus, mais vous n'achetez pas le vinyle, vous avez 7 titres. Voilà, exactement. Mais bon, le titre, vous le trouvez sur... je ne devrais pas vous le dire, mais vous pouvez le trouver en téléchargement. Nous enchaînons après le black metal de Toke. Avec du Death Trash. Du Death Trash, t'es sûr? Oui, bien sûr. Mais du Death Track, n'importe quoi. Track, ouais, si tu veux. Du aussi, Death, du Death Trash. Track. Suisse, ouais. Alors ça doit être lent. Ils doivent pas aller très vite. Ça s'appelle Helvetica, le groupe. Et l'album s'appelle Against the Odds. Against the Odds. Et le titre? Demolition. Ah ouais, ça va faire mal. Oh là, je sens que ça va faire mais mal. Mais c'est les Suisses, donc ça va démolir. Ça va faire mal, mais lentement. Ça va lentement faire mal. Doucement, mais c'est une autoproduction qui sortira le 6 décembre, donc c'est-à-dire mercredi prochain. L'album contient 12 titres, c'est pas mal du tout, moi j'ai bien aimé. C'est un quintet donc de Death Trash, formé en 2004. Hein ? Oui, monsieur. Voilà, et ils nous viennent de Suisse. Nous enchaînons ensuite avec quelque chose qui m'a particulièrement fait plaisir, et dans le titre, et dans le genre musical joué par ce groupe qui nous vient d'Allemagne. Hein ? C'est ça ? Il suit, mais de loin, Tom. Non, ils viennent d'Australie. D'Australie, toi, tu vois, je pouvais dire Brisbane. N'importe quoi. Je te disais oui pour te faire plaisir. Voilà. Mais ouais, mais me fais pas plaisir. Donc, ils nous viennent de Brisbane, de l'Australie, donc de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, mon cher Tom. Donc, pourquoi je disais que le groupe me faisait plaisir? Parce qu'il s'appelle Caligula's Horse. Ouais. Et Caligula's Horse, ça me rappelle un groupe en trois lettres. Il y a un titre qui s'appelle Caligula. Ouais, Caligula, Caligula, tripote-moi avec les doigts. Non, c'est pas ça, mais bon. Caligula's Horse. Et pourquoi Horse ? Parce que ça me faisait penser à un petit sketch. Bon, c'était drôle. C'était le chanteur Philippe qui était en Espagne et qui disait Attila the One with Horse. Donc Caligula. Bon, bref, voilà. C'était un petit jeu de mots. C'était un petit clin d'œil surtout à Phil, le chanteur de ADX, mais surtout parce que c'était très bien aussi. Hein. J'ai écouté cet album qui s'appelle In Contact. Et j'ai vraiment aimé cet album. Et le titre que l'on va vous passer ce soir s'appelle... Il s'appelle Will's Song. Will's Song, Let the Color Win. Voilà. C'est 10 titres, sorti le 15 septembre dernier. Où ça? Inside Out Music. Inside Out Music, bien entendu. C'est un quintet de métal progressif. Ils sont formés en 2011. Voilà, en Australie. Je pense que c'est tout. Hein, donc au pays des kangourous. Ouais, bah j'y vais moi. T'y vas ? Alors le cheval avec les kangourous, ça nous donne Caligula's Horse. C'est bien ? C'est du ADX en fait. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite maintenant, sans plus attendre, avec Toké. C'est parti. 06 81 0 28 34. We'll be right back. De retour dans le studio du Rock for Show. Nous sommes à la moitié de l'émission. Encore trois quarts d'heure à passer avec vous. Non, on n'est pas à la moitié, je raconte. On l'a passé un petit peu plus. On a dépassé la moitié d'un quart d'heure. Il nous reste un bon trois quarts d'heure ensemble. Donc nous avons écouté Toké, Helvetica et Caligulas. Ors, donc trois groupes dans trois styles différents et trois pays différents également. Puisque nous avons visité la Norvège, la Suisse et nous avons fini par l'Australie. Et on revient en France. Et on revient en France avec Punish Yourself qui nous ont sorti un nouvel album qui s'appelle Spin the Pig. Alors spin c'est piquer, piquer le cochon c'est ça ? Hein, spin, il semble que ça doit vouloir dire ça. Sorti chez Vericord, c'était il n'y a pas très longtemps, puisque c'était le 13 octobre dernier. L'album contient 8 titres. C'est du électro, indus. Voilà, le groupe s'est formé en 1994, mon cher Tom. Oui, c'est Toulousain. Eh oui, Tolos. La Ville Rose. Tolos, la Ville Rose. Et ils seront en concert. Et c'est quoi, c'est le cassoulet qui est à Tolos ? Ouais. Hein, la saucisse à Tolos. Enfin, on dit la saucisse de Toulouse, mais je suis pas sûr qu'elle vient de Toulouse. Ouais. Bon, enfin, il y a des saucisses partout. Hein. Regarde, j'en ai bien une dans le salon. ils seront à la maroquinerie. Oui. Le 8 décembre. Voilà. Et là, maintenant, c'est maintenant que vous allez pouvoir nous appeler. Et il va falloir nous donner la nationalité de Monsieur Dirk Schneider. Parce que nous avons des places à vous faire gagner pour aller voir Monsieur Dirk Schneider. Monsieur Dirk Schneider qui sera donc... Il est suisse. Ah non, il n'est pas suisse du tout. Enfin bref, peut-être. En tout cas, Monsieur Dirk Schneider, il sera avec son groupe Dirk Schneider. Plus connu sur le nom de Udo. Udo Dirk Schneider, mais il s'appelle Dirk Schneider parce qu'il joue avec son frère. Et c'est deux frères, je crois, qu'il y a dans le groupe. Et ils seront en concert, mon cher Tom, à La Machine du Moulin Rouge. Et ce sera le 13 décembre prochain. À 18h30. Donc, la nationalité de Monsieur Dirk Schneider, 06 81 01 28 34. Et vous raflez des places pour aller le voir après tirage au sort à La Machine du Moulin Rouge. Il y aura des places cette semaine, mais il y en aura aussi la semaine prochaine à gagner. On est comme ça et qu'on est gentil et qu'on aime bien Monsieur Dirk Schneider. Nous allons continuer avec quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui te sied beaucoup plus, mon cher Tom. Ah mais moi, tu sais que je suis très éclectique. Il s'agit de White Blues. Ouais. Avec leur album End of the Time. Enfin, ça, c'est le titre qu'on entend plutôt. Et l'album, c'est Belong to the Barrel. Exactement. Chez M.E.O. Music. Nos amis de M.E.O. Music, on les salue. Ça sort au mois de novembre. Et Alexandre. Oui. C'est un trio de jazz, blues, metal. Exactement. C'est un peu du Björn Berge, voilà, c'est ça. Non, c'est pour les fans, hein, c'est pour les fans de Björn Berge. Ça s'en rapproche un peu, non ? Ouais, tout à fait. John Butler Trio, ça ressemble un petit peu à Iron Maiden, Motorhead. Enfin bref, ça, ce sont leurs influences. On est plus dans du, comme ils l'ont dit, hein, de trio de jazz blues, metal. C'est acoustique, hein, beaucoup acoustique. Il y a des morceaux un peu plus violents. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien aimer. Je me suis bien éclaté avec ça. Et ça m'a fait toute la soirée pendant deux jours. Deux soirs, je me suis mis ça en rentrant. Ça repose et puis c'est bien. En fait, c'est rythmé. En même temps, c'est super. T'es comme moi, en ce moment, tu te mets sur un truc et t'y restes. Ouais. Bah là, j'ai découvert, j'ai reçu pas mal d'albums. Et puis, j'ai commencé à écouter en rapide. En zappant un petit peu, ouais. Puis j'ai dit tiens allez ça j'écoute après, ça j'écoute demain, ça j'écouterai jamais, tu vois il y a des trucs comme ça. Ah, tu fais du tri quoi. Ouais je fais du tri et puis on remet des choses qu'on a triées et puis on se dit ah bah ça c'est bien, tiens bah on va les passer dans l'émission. J'ai écouté un petit peu moi le dernier Chaka. Voilà, on écoutait un petit peu quand t'es arrivé. Voilà. Chaka Ponk. Ils sont passés pour la petite histoire à Taratata, ils ont joué Led Zeppelin Rock d'ACDC avec Catherine Ringer. Alors c'était assez marrant parce que effectivement il y a eu des décès dans la famille Young hein, puisqu'il y a eu Malcolm, mais ils n'étaient pas au courant puisque l'émission était enregistrée avant. Oui. Donc mais c'est tombé à ce moment-là, ils ont joué Led Zeppelin Rock. C'était le petit clin d'œil que j'avais envie de passer. le prochain morceau après Sideshow Tragedy. Ouais, The Sideshow Tragedy. C'est du blues. C'est du blues texan qui nous vient d'Austin. Pas la voiture, hein. Non. Austin, c'est la ville. C'est mini, ça. C'est mini, ouais. Ça sortira en mars 2018. Ouais, voilà. Alors, si ça, c'est pas de l'exclu Lulu, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, hein. D'ailleurs, Lulu, il faudrait que tu viennes. Oui, Lulu, oui, il faudrait qu'elle vienne. Avec Steph, hein, bien sûr. C'est The Few From Nowhere, c'est le titre de l'album. Ça sortira chez Dixie Frog. On avait envie de vous en passer, parce qu'on avait envie de donner un coup de piston, bah ça tombe bien, parce que le morceau s'appelle Piston Blues, à ce groupe qui s'appelle The Sideshow Tragedy. Non, je trouvais qu'elle était pas mal, celle-là, il fallait la faire. Et nous terminerons avec une chanteuse. Sera à Vauréal en concert au Forum. Oui, quand ça ? Le 9 décembre prochain, elle nous vient de Milan en Italie. Oui, ils sont formés en 97, c'est du mélodique, du métal atmosphérique plutôt. C'est un quintet, ils nous ont sorti un album de 11 titres avec un bonus chez Sentier Media en 2016. Ah mais je n'ai toujours pas dit qui c'était. Non mais attends, ils n'ont pas sorti un bonus, il va y avoir trois bonus avec 11 titres. Hein, c'était sur l'album de 2016. J'ai dit un, donc c'était... Ouais, non, c'est trois bonus. Chez Sentier Media, et l'album s'appelle Delirium, et le titre s'appelle Breakdown, et l'artiste... Parce que Lacuna Coil. Voilà, on ne parle d'une personne, mais on ne nous a toujours pas dit. Ouais, c'est le groupe Lacuna Coil. Voilà, qui vient de nous rendre visite en France et qui seront donc à Vauréal. Ils ont des putains de concerts hein, au Forum de Vauréal. Hein. Faut suivre cette salle, parce que c'est une très belle salle. Et puis en plus, ils ont souvent de très belles affiches. On envoie la musique, on se retrouve après. On rappelle le numéro de téléphone ? 06. 81 01 28 34. Oui, pour gagner des places, pour aller voir Monsieur Dirk Schneider. Allez, c'est musique. Ils viennent d'où ? how far I can go. I got my hair slicked back, I'm playing to anybody I know. I got a chance and I'm gonna take it, I'm getting my payment to go. Move like a piston, up and down through the world. I'm taking it for granted, I've seen it all before. Yes, there's no more surprises, my face is a mask, it doesn't change anymore. Oh, and I'm wound up tight, I'm right where I'm supposed to be. Getting right down to business of dying free. Yes, but working out the details is a trying and a prize, sometimes, honestly. What will the moon look like tonight? Looks like clouds rolling in, man, but I think I'm gonna be alright. It's getting rough out there, you can hear it coming like a train. The water's sunny disposition, middle of all this hail and rain. And you say, man, what do you mean? It's a feeling I don't wanna explain, alright. You take it away, it comes, but man, you gotta take it. No light alone, it's only heavy if you make it. That's why I give you one chance, man. You give me your opinion and I'll break it. Alright. de retour dans les studios du Rock for Show. Vous venez donc d'écouter, chers amis, de la musique. C'est cool. Vous entendez en fond sonore MF Crew ouais, avec le titre All Friends. Avec une talk box. De temps. T'appelles ça comment? C'est une talk box. Ah, une talk box. Tu sais, elle est branchée sur le micro. Talk pour parler. Ok, okay parler. Ouais, c'est bon. Non, mais j'ai déjà vu ça, mais je savais pas comment c'était. Voilà, une talk box. Alors, nous avons écouté Why Blues, qui était vraiment super. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'ai craqué sur cet album. Merci à Méo Music pour nous avoir envoyé ce petit bijou que j'aime beaucoup. Et il y a des invités sur cet album de Why Blues. On en reparlera. Peut-être qu'on les fera en interview, tiens. Parce que comme ils font de l'acoustique, ils viendront peut-être avec une guitare. Et puis, d'où ils viennent ? Sinon, il y a une guitare ici, il y a un caron ici, donc c'est bon. On a vu d'où ils venaient, non ? On a Paris, non, c'est même pas marqué. France. Bon, bah écoutez, les gars de Wild Blues. Bah, s'ils viennent si de vous chez Méo, ils peuvent venir de Montpellier aussi. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, si vous voulez passer par les studios du Rock for Show à Paris, eh ben vous nous le dites. D'ailleurs, hein, même Julien, si tu veux venir avec bien sûr. Et Alexandre, tous les bien deux, sûr. Si vous voulez venir, venez. Bien évidemment, nous vous fêterons Noël. Ouais. Nous toucherons, enfin, Tom touchera vos boules. C'est moche. Oui, c'est moche. Enfin, ils ont peut-être des belles boules, hein, on ne sait pas. Bon, The Sideshow Tragedy, c'était la suite. Non, c'était du blues encore. Je vois que tu as envie de savoir. C'était du blues encore. Et enfin, on a terminé avec les Italiens de Lacuna Coil. Qu'est-ce qu'on vous fait visiter quand même comme contrée, hein ? On est parti de France. On a traversé le monde. On est parti à Austin, au Texas. Et on est passé par l'Italie, c'est quoi ? C'est Milan ? Et là, on est en France à nouveau. Hein, mais dans le Bayou. On est dans le Bayou avec les MF Crew. Et ils seront en concert, les MF Crew, au Bus Palladium le 15 décembre. Décidément, ils n'arrêtent plus. Hein. Je crois qu'on va y aller. Ouais, il me semble. Enfin, faut regarder quelle date, quel jour ça tombe. Parce que le 15, ça doit être un vendredi ou un samedi. C'est un vendredi. C'est un vendredi, voilà. Donc le 15, ouais, il y a des chances qu'on y aille. Hein, à voir les MF Crew. Donc on va voir ça. Nous allons continuer avec nos amis canadiens. Voilà, nous voyageons encore aujourd'hui et nous allons à... Bah, ils ont une boisson qui s'appelle le sortilège. D'ailleurs, en parlant de boisson, il y avait la bière Addix. Oui, tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vais pas écouter, mais... Ah ouais, c'est vrai dire, tiens, attends, Très bonne. Je vais les mettre au frais, on va voir ça après. Tiens. Ah ouais, non, mais moi, c'est pas la peine que tu m'en fasses goûter, je les ai goûtées. Donc, garde-les pour toi, mon cher Tom. Hein, j'imagine, toi t'as des fûts, toi t'as bah, j'en ai, la fontaine qui arrive chez toi. J'en ai pas mal. Donc nous repartons au Canada avec une boisson qui s'appelle le sortilège. Et ben, il y a un groupe qui s'appelle Sortilegia. Voilà, hein, ça vous dit quelque chose? Ils nous viennent de Toronto, exactement. Mais c'est à Toronto, je suppose, c'est la même chose. Ouais, Toronto, c'est moi qui me suis planté. J'ai pas mis le haut, j'ai mis un à la place. Bon, voilà. J'ai féminisé un peu cette ville. C'est sorti chez Van Record le 24 novembre dernier. Beaucoup d'albums sont sortis le 24 novembre, ça devait être une date typique pour les sorties. L'album s'appelle Sulfurous Temple et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Night Mouth. Alors ça doit être les lèvres de la nuit. Ça doit être un truc encore bien sexuel. Ils seront en concert le mois prochain, le 7 décembre, la semaine prochaine même du coup. Ouais. À Paris au Glazart avec oui. Sin Mara et Almeric, c'est ça? Avec Sin Mara. Ouais, et Almir, puis... Almir Kavi. Almir Kavi. Ouais, ça doit être ça. Almir Kavi. On va dire ça comme ça. Ou Almirk. Ouais, enfin bref. Almir Vail. Plus 2. Plus 2. Ou il, je sais pas, c'est plus 2. Plus tout, voilà. Ouais, plus tout. Aïe, ou voilà, ça dépend. Ouais. Donc, bon, bah, c'est au Glazart. Donc, allez les découvrir, vous nous raconterez. Je pense que vous allez voir sur le site du Glazart, tout simplement. Ouais. Parce que nous, on n'y sera pas, on sera dans l'émission le 7. Oui. Bah oui. Ah ouais, faut bien qu'il y ait des gens qui bossent ça. Un peu. Hein. Donc voilà, ça s'appelle Sortilegia, c'est canadien. C'est quand même assez brutal. Hein, si j'ai pas marqué ce que c'était comme genre. C'est marrant ça. Ah si, c'est du black metal, bien sûr. C'est un duo en plus, c'est un duo de dark black metal. Donc ouais, ça ramone pas mal la chetron. Hein. donc vous allez découvrir ça. Et on va le dédicacer à Hugo, hein, à Hugo Fraser. Et on va le dédicacer aussi à Eric Flynn. D'accord ? Et puis il y a John Asher. Ouais, parce que là, j'étais en train de dire, t'es en train de faire tous les Québécois, mais ouais, tous, quoi, tous ceux que je connais, que j'aime bien aussi, surtout. Voilà, ensuite, nous allons enchaîner avec Grimtone. Grimtone, qui est un groupe, mon cher Tom, qui nous vient de la contrée de... Suède. Effectivement, ça c'est nous vient de Suède. C'est leur premier album. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est de l'extrême métal. Oui, et ça nous vient de... Enfin, c'est, l'album s'appelle Memento Mori. Voilà. Et c'est dans les champs. Oui. Ouais, oui, oui, Fields. Mais j'ai oublié de marquer le reste du titre. C'est con, ça. Toi, tu dois l'avoir en entier. Ah, je pense. C'est ça que tu veux dire. Parce que moi, j'ai commencé par Fields, mais en fait, c'est pas ça le titre. Si, c'est ça, mais il y en a beaucoup derrière. Ouais, c'est ça. Hein. Field of Palms. Oh, Palms. Palms. Limbs. Palms. Bon, enfin, bref. Ça s'appelle Sortilegia. Non, ça s'appelle Grimtone, ça. Ça s'appelle Grimtone. C'est sorti le 8. Non, ça va sortir le 8 décembre. Décidément, ce soir, ça va pas bien. Extreme Metal Music, c'est le label. Ça plaira à tous les fans de Dark Throne, Enslaved ou Skogen. Skogen. Hein, ça vous plaira, vous, amis du bruit qui fait mal aux oreilles. Ensuite, nous passerons à Lord Sheds. Lord Sheds, c'est pas mal du tout, ça. Ça nous vient de chez Do It. Ça sortira aussi le 8 décembre. L'album s'appelle The Uprising of Namwell. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Nightly Vision. Nightly Vision, ouais, excuse-moi, hein, j'étais sur autre chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce groupe? Il y a pas mal de choses à dire, en fait, hein, hein, mon cher Tom, parce qu'il y a tout un truc, si tu ah peux... Ah oui, oui, mais ça, c'est bien, ça va nous occuper un petit peu, parce qu'on voilà, avance. C'est du Black Death, comme on disait, c'est de l'orchestration, des chœurs, des bruitages, ça donne un peu de profondeur. Il y a de la flûte, il ouais, y a de la vielle. Ce ne serait pas du symphonique, mais peut-être... Ça va peut-être s'en rapprocher un peu, ça va être mélodique. Ouais, ça Black Sinfo, on va dire. Ouais, ça va nous emmener, nous traverser. Mmh. Voilà, mais faut dire quand même, il y a de l'accordéon, il y a du violoncelle, enfin, il y a plein de. C'est sympa. Mais et cet album, il faut dire qu'il marque la fin d'une première. La première trilogie, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Après, c'est un voyage qui nous s'entremêle différentes atmosphères, qui nous repose sur un récit original et inspiré. Telle une épopée, voilà, c'est une histoire. Faut... On arrive à la fin de l'histoire. Ouais, là, c'est le troisième chapitre de la première partie, de la première trilogie. Mais vous inquiétez pas, ils ont des idées, ils ont plein de choses et ils ont plein de choses en fait, à vous proposer si derrière. Est-ce que si t'arrives là, tu vas arriver à comprendre ce qui s'est oui, passé oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parce que déjà, ils chantent en anglais, donc comme c'est... je comprends rien en anglais, bah, je comprends tout. Si tu veux. Non mais ça fait partie de c'est l'imaginaire. C'est pas comme Game of Thrones où ça arrive à la 10e saison, tu fais bon bah faut commencer. C'est un peu ça. Je pense qu'ils sont partis de là aussi. Hein. Ah, je pense que il y aura peut-être 425 épisodes. Hein. Et donc suite au prochain épisode de Lord Sheds. Allez, on envoie la musique. Et justement, tiens, Lord Sheds, parce qu'on est comme ça, on est gentil, on est aimable. C'est Noël bientôt. Donc, outre les places pour aller voir Monsieur Dirk Schneider, donc le 13 à... c'était quoi? C'était La Machine du Moulin Rouge. Yes. Eh bien, vous pouvez aussi rafler l'album de Lord Sheds au 06 81 01 28 34. Alors, ouais, il faut nous dire, pour Lord Sheds, de quelle partie de la trilogie nous vous passons cet album. Ouais, c'est compliqué, c'est alambiqué, mais en même temps, c'est un album, hein, c'est un digipack à gagner. Hein. Hein. Ouh. Allô. J'espère que vous avez aimé cette épopée de Lord Chance. Toi, t'avais raison tout à l'heure, hein. À propos de chevaliers, machin, tout ça, là, Game of Thrones et tout. T'as vu, hein, à la fin, ils s'en vont à cheval. Galop. Bon, eh bien, vous avez entendu, dans l'ordre, Sortilégia, les Canadiens. Nous avons enchaîné avec Grimton, qui eux sont des Suédois. Et nous avons fini avec les Français de Lord Chance. Voilà. Et quoi d'autre ? Eh bien, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Impiety. Ils seront en concert très bientôt à Paris, le 8 décembre, au Gibus Live. Mais ils ne seront pas tout seuls, puisqu'ils seront avec Necrovrère, avec Ritualisation, et avec Ominous Shrin. Ominous Partatus Arlus. Et c'est 18 rue du Faubourg du Temple. Voilà. Métro République. Exactement. Le dernier album de Impiety date de quand ? Enfin, moi, apparemment, il date de 2016, si mes souvenirs sont bons. Et il s'appelle Dust Hall Desecretor. Ça t'arrive d'avoir des souvenirs, toi ? Ouais. Voilà, Impiety. Donc, Impiety. Ah, ouais. C'est un groupe de c'est un trio de black thrash metal. Alors sachez que sur cet album, le morceau dure 38 minutes. Et il n'y a qu'un morceau, c'est ça mon cher Tom. Ouais, c'est qu'un morceau, mais c'est entrecoupé de phases où t'as l'impression que ça dure un peu plus longtemps. Enfin, c'est bizarre. Faut écouter, et c'est très... Très spé. Ouais, on va dire très spé, c'est prog, voilà. On va dire que c'est un morceau plus prog. Ouais, prog. Prog dans du black metal. Ouais. Si on veut. Bon, en tout cas. 35 minutes, enfin voilà, bref. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. L'émission touche à sa fin. Ouais, on va voir Virgile. Ouais, on va aller voir Virgile. Virgile, je crois qu'ils sont français. Je suis pas sûr. Pas sûr, pas certain. Mais en tout cas, c'est tiré de l'album Initium. C'est un EP, c'est même pas un album. Sorti chez MEO Music en novembre 2017. Donc là, récemment, sous peu. Et le morceau s'appelle Fall From Grace. Voilà, et ça plaira à tous les gens qui aiment Die Art is Murder, Behemoth, et The Black Dahlia Murder. Donc autant vous dire que ce n'est pas de la petite bière, contrairement à celle que m'a servi Tom. Hein. Qui est une petite bière. Alcoolique. Voilà. Buvez avec modération, bien entendu, mais avec plein d'amis. Mais par contre, ne buvez la musique sans modération. La semaine prochaine, on ne sait pas encore ce qu'on va vous faire comme émission, mais probablement avec un invité, parce qu'on espère avoir des invités jusqu'à la fin de l'année maintenant. Et on va commencer le best-of de l'année, après tout. On va se taper ça sur un mois. Bon courage, allez. Hein ? Non, mais ce serait pas mal. On se tape les films de Noël pendant 3 semaines, un mois, et ben on va se taper le best-of. Ouais, mais on fera une partie. On fera la moitié de l'émission best-of, ouais. Et on fera la moitié nouveauté. Nouveauté, actualité. Actualité, nouveauté. Ouais, moi je pense que c'est pas mal. On vous fera pas comme l'année dernière ou les 2 années précédentes, parce que c'est la 3e pour moi. Ouais. Où on vous fait pendant 2 émissions que du best-of et vous mangez du best-of. Ouais, parce qu'on avait envie de changer, puis je sais pas, on a envie de se dire que... De l'éclectisme. L'éclectisme. Donc on va se quitter avec Virgile. Virgile, c'est le l'album, donc le EP Initium. Et on vous dit à la semaine prochaine. C'était rock, c'était fort, c'était le... C'était chaud surtout, c'était chaud, non ? Ouais, alors c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye. Portez-vous bien.